sais même pas de vous revendre des kills. Revends pas beaucoup, j'm'en les mochit. Smoke ma bague, gros, smoke ma. C'est des speech. Ils sont même pas de vous revendre des kills. Revends pas beaucoup, j'm'en les mochit. Smoke ma bague, gros, smoke ma. Smoke my back, smoke my.